Salut les amis. Salut Charlie. Eh oh, qui t'a dit que tu pouvais venir toi? Pardon? On est en réunion là, on bosse. On veut changer le monde et toi tu démarres. Bah, et moi j'ai le droit de changer le monde avec vous. Si on veut. Ouais, comment ça? Tu veux changer le monde dans quel sens? Je sais pas. Plutôt par là, plutôt par là, plutôt quoi? Je sais pas moi. Et vous, plutôt par là ou par là? On va pas te le dire tout de suite du coup. Alors si je choisis pas le même changement que vous, tu verras. Alors. Bon bah disons que je vais par là. Parce que nous, on allait plutôt par là. Alors ça veut dire que vous allez me chasser, me hurler dessus et puis je vais devoir vous dire ni connard. Mais non, mais je comprends rien. Nous on veut changer le monde. Ouais. Mais on sait pas par où. Voilà, donc que t'ailles dans une direction ou dans une autre, bon pour nous c'est pas grave, ça va nous apporter des choses, tu vois. D'accord, super. Ce qu'on aurait pas aimé par contre, c'est que tu viennes juste pour nous donner ton avis sur le monde d'avant. Non, ça non, ça sert pas à grand chose, tu vois. Et ça permet pas de rêver. Voilà, quand tu fais un rêve, t'as pas envie que Frankenstein débarque dedans, tu vois. Voilà, et ben avec Finkielkraut, c'est pareil. C'est pareil. Bon, au boulot. Allez, au boulot. C'est vrai que tu lui mets deux vis dans le crâne, Finkielkraut, quand il crie, c'est Frankenstein. Attends, ne dis pas ça à l'antenne parce qu'il va t'attaquer en diffamation, direct. Finkielkraut ? Non, Frankenstein. Pauvre con ! La France Inter, bonjour à toutes les pauvres connes de la Terre. Vous écoutez l'émission qui présente son grand projet en faveur de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont permettre de former des millions d'auditeurs. Voici, voici le premier sujet. La 3Disation de la société française. C'est une évidence dans les urnes ou chez les marchands de journaux, avec les bons chiffres de valeurs actuelles par exemple, mais est-ce aussi un instrument de propagande? Ouais, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash. Tandis que le Brésil se prépare à un putsch, que l'Europe explose et que le monde est à feu et à sang, nous on a décidé de passer la journée sur Finky à la nuit debout. Nanana, j'ai dit à ma maman. La Chine fait la révolution des cabinets. Le gouvernement se lance dans un vaste plan d'installation de toilettes publiques, car le déficit de Wawa a poussé le chinois à prendre de mauvaises habitudes. Et voici un très joli canapé, très fragile. Et bien là, je fais pipi dessus. Eh oui. Et moi, je suis accompagnée de celui qui emporte toujours la presse au petit coin. On ne la trouve pas, c'est Alex Vizorek. C'est pas entièrement faux. Bien autour de la table, j'aime bien quand vous lâchez mon quotidien. Autour de la table, une belle équipe, 17h20. Quand on reçoit un chanteur, on a sacrément la pression. C'est pour ça qu'on n'a pas encore invité Frédéric François, qui est mon chanteur préféré. Bonjour, Mélanie Bauer. C'est dommage. C'est dommage, je sais. Je vais parler du chanteur qu'on a invité. Très bien, oui, c'est bien ce qui me semblait. Attention, je vois qu'il a la pression. 17h30, celui qui entre dans le bureau le matin avec cette phrase « Génial, je vais pouvoir ennuyer des gens ». Et pourtant, il n'est pas huissier de justice. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai décidé de présenter ma candidature à la primaire de la droite. J'ai donc appelé les fédérations du parti Les Républicains, enfin... Les Républicains, bonjour. Ah, l'UMP ou les Républicains, là? Les Républicains. Ouais, j'ai appelé le RPR. Voilà, très bien. 17h40, cet homme est scénariste et on le ressent bien dans l'écriture de ses chroniques. On ne sait jamais où ça va se terminer. Bonjour Thomas Bidguin. Bonjour à la France Inter. On est content de vous revoir. Moi aussi, je suis tellement content, vous m'avez manqué. De quoi vous parlez? Et je viens vous parler de ce qui fait les histoires marchent, c'est les méchants. Ah, les méchants. Celui qui a tout annulé pour présider cette émission est né sous Charles de Gaulle. Vous sortez votre premier album, Les Mariages Chinois, en 91, quand Nirvana sort Nevermind. Vous réalisez le film Peau de cochon et sortez un sixième album en 2005, quand Laurence Parisot devient présidente du MEDEF. Rien à voir avec le cochon. Vous proposez Magnum, à la fois film et album, en 2014, quand un plug anal de Noël vient décorer la place Vendôme. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Philippe, Catherine, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Je suis reconnu, oui. Vous êtes sûr? Ben oui, Parisot, le plug anal, tout ça, ça va nous dire quelque chose. Voilà, c'est lui. Il n'y a pas de hasard. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Dans le fond, qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes vraiment le vrai Philippe Catherine? Mais il paraît que l'émission est filmée, on m'a dit, ça vous dérange pas? C'est... Ah, vous voyez bien. Mais qu'est-ce qui me prouve que ce serait moi quand même? Je sais pas. L'image ment toujours. Bon, on va le voir pendant une heure avec vous. Votre dernier album s'appelle Le Film, il vient de sortir. Philippe Catherine, Le Film, parce que le chemin qui a conduit à sa réalisation et aux chansons qui sont dessus, c'est digne d'un scénario, ce grand making-of. C'est pas commun ce que vous avez fait pour. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que vous seriez pas parti, genre. Soyez gentil, oui. Philippe. Soyez gentil avec la dame, s'il vous plaît. Non, mais j'étais énervé. Je suis parti, j'ai pris ma bagnole. J'ai écrit des chansons que j'avais en moi, hein, tout simplement, mm-hmm. qu'elles sont sorties à ce moment-là. Et le film, parce que c'est pas, c'est film, pas une forme de scénario, ça part tout seul avec sa bagnole. Non, c'est l'idée que vous voyez, par exemple, vous qui êtes actuellement mon interlocutrice, eh bien, vous êtes actuellement le personnage principal de mon film interne. Ah, voilà, c'est un film interne. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais que vous partagez, que tout le monde vous a un film, vous faites tous un film actuellement. Ouais, c'est vous le héros pour l'instant. Ouais. Bah, j'espère que vous prenez pas si trop cher en cachet. Mais... mais il est vrai que vous avez sillonné des coins de France, il est vrai, en voiture, oui. En flânant. Il y a eu quelque chose d'assez instinctif, vous fredonniez des choses. Ah oui, oui. Oui, c'est ça, j'en avais gros sur la patate. Alors j'ai écrit des chansons, au volant, en improvisant, puis le soir, sur mon petit carnet. Hein. Oh, bah, il n'y a rien de très, très original au fond. Arnaud, il dit qu'il aime bien prendre des billets de train pour n'importe où, s'asseoir et écrire dans le train. Arnaud. Le chanteur belge. Ah, est-ce qu'on est dans ce même genre de. Pas Bernard Arnaud, parce que Bernard Arnaud, oui. Il va en jet privé. Il achète les trains. Mais de voir la campagne, de voir défiler des choses, c'est inspirant. Ah oui, moi j'aime beaucoup ça, mais j'aime beaucoup surtout quand il y a un pépin sur la voie et que le train s'arrête et qu'on a choisi pour vous, au fond, un cadre de ce paysage, que ce cadre est fixé par quelqu'un d'autre. J'aime bien quand on choisit pour moi. Mais là, c'était en voiture, c'est ça? Là, en l'occurrence, c'était en voiture. Donc, le bilan carbone de votre album est dégueulasse. Voilà. Oui, je crois que là-dessus, c'est pas le point fort. Alors, vous avez déjà expliqué que c'est la disparition de votre papa qui a été le déclencheur de cet album, cette forme aussi d'introspection, du fait que vous soyez parti pour déverser votre âge. Sur la route, d'ailleurs, vous écrasez un hérisson. Vous repentez avec une photo, avec le piano sur lequel vous avez composé l'album. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire ce hérisson est devenu pour moi un demi-dieu, désormais. Oui, parce que je l'ai écrasé volontairement. Pourquoi demi ? Je m'en repens aujourd'hui. C'est-à-dire demi parce qu'il y a une marge de progression. je pense que dans un an, ça devait devenir un dieu complet. Oui, c'est ça. C'est votre côté animiste. Complètement. Donc ça, c'est l'histoire de l'album qu'on a déjà entendu. Donc moi, je voudrais vous poser une autre question. Vous êtes devenu très populaire. Même parfois, il y a de vos chansons qui sont jouées dans les mariages, j'ai lu. Plus vous êtes populaire, plus vous cherchez à profiter de ce statut aussi pour pousser les lignes et faire des trucs qui sont un peu, qui viennent des tripes et qui s'affranchissent des règles et du mainstream et tout ça. Plus vous vous sentez libre, finalement, de faire ce que vous voulez. La notion de liberté, moi, c'est quand même très relatif. Hein. Pour qui que ce soit. Oh, oui. Alors, on me dit, toi, t'es libre, toi, t'es libre. Si vous voulez, je ne veux pas vous faire espérer quoi que ce soit. Non, mais fini les illusions et tout ça. Regardez, La Nuit Debout, par exemple. Oui. C'était illusoire aussi, peut-être. Ouais, peut-être. On y reviendra, bien sûr. Ne changez pas le monde dans le mauvais ordre. Parce que d'abord, c'est la promo. C'est important. Vous sentez votre liberté toute relative. Pourquoi? Parce que vous faites partie d'un système. Mais c'est pas ça. C'est que j'ai des limites, bien sûr, et j'y suis confronté chaque jour, figurez-vous. Ah bon? Quel type de limites? Vous limitez, Philippe Catherine. Mais j'ai des murs. Mais il a une maison de disques et un manager un peu radin. Ah oui, c'est ça. Voilà, il suffisait de se tourner vers Mélanie Boer, l'explication. C'est pour ça qu'il y a un piano sur l'album. Ah oui, alors c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de frais sur ce livre. En effet. Vous voulez passer un message? Vous plaindre de demander une augmentation? Non, parce que j'en voulais pas plus. D'accord. Il est parfois très nocif d'avoir beaucoup de moyens. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc c'est là votre liberté aussi. Ah, ça, de ce côté-là, oui. Ouais, ça, il n'y a pas de problème. C'est ce que nous dit France Inter quand ils nous payent, ils disent pareil. Une dernière chose, Philippe Catherine, est-ce que ça vous fait marrer toutes les interprétations que donnent les journalistes ou les musicologues amateurs à vos disques et à vos chansons? On essaye tous d'interpréter un peu les choses, on essaye tous de donner un sens aux choses. Oui. Ça, c'est l'humain est comme ça et le journaliste l'est d'autant plus. Des fois, ça vous fait poiler, vous vous dites, oh là là, ils sont complètement à côté de la plaque. Ou il ne faut pas chercher à interpréter. Vous pensez à quoi? Non, c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'interprétations. Chaque personne qui écoute une chanson, c'est une chanson différente. Mm-hmm. C'est aussi son privilège et sa joie à la chanson. Donc vous encouragez aux nombreuses interprétations et vous en êtes curieux. Plus il y a d'interprétations, vous comprenez, plus la chanson est ouverte, ça veut dire. Mm-hmm. Donc c'est très bon signe. Ah bah oui. La difficulté, c'est que Philippe Catherine se met beaucoup en scène dans sa musique depuis plusieurs années. Donc on a l'impression qu'il y a un double, une sorte de double bénéfique ou maléfique de lui-même qui est comme ça, qui s'exprime dans ses disques, qui s'exprime dans ses films. Et chacun se demande, est-ce que c'est vraiment lui ? Et à cette question, finalement, on s'en fout, non ? Ça n'a aucun intérêt, c'est vrai. C'est vrai. Passons à autre chose. Passons à de la musique. Mélanie Bauer, vous reviendrez sur l'album de Philippe Catherine qui s'appelle Le Film. Et puis, on en écoutera un extrait tout à l'heure. On écoutera Moment Parfait. Et pour l'instant, Sly and the Family Stone. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Calvin Klein, I'm gone, forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get in straight, how could I ever be late, when you're my woman taking up my time. Oh! Shape me again, I hope that you haven't been the kind of person you really are now. I'll be so good, I wish I could get the message over to you now. To stay, mais bien sûr, évidemment, Sly and the Family Stone sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Philippe Catherine et on va reparler de son nouvel album Le Film et on va parler d'actualité aussi avec Autour de la Table, Alex. Et aujourd'hui, par ordre d'apparition et même par galanterie, vu que c'est Mélanie Bauer qui commencera, puis Guillaume Meurice et puis évidemment le vilain Thomas Bidguin qui fermera la marche. Philippe Catherine, on va commencer par un journal pour bien mettre une bonne base pour le débat ensuite. Pour là-dessus, hein. Très bien. Voilà, on va rafraîchir les infos. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres du jour. La cote de popularité de François Hollande a encore baissé. Ouais. Ben, un membre d'Europe Écologie Les Verts quitte le parti. Ouais. C'est tout. Bon, alors Ligue 1, une nouvelle défaite pour l'OM. Voilà, un week-end normal. Tellement normal qu'il y aura des brèves. Et on commence par François Hollande, dont la cote de popularité a été mesurée avant et après l'émission spéciale de jeudi soir, et elle a diminué. Elle a diminué. Disons qu'avant l'émission, on se disait « il est nul », mais comme pendant l'émission, il a dit « la France va mieux », on s'est dit « il est nul », et en plus d'être nul, il s'en rend pas compte, donc voilà, on l'a moins aimé que... Passons à droite. Bruno Le Maire déclare qu'il ne négociera pas avec les syndicats s'il est élu président. Voilà, les syndicats n'ont pas trop de soucis à se faire du coup. Politique toujours, avec ce nouveau chamboulement chez les Verts. Oui, on peut presque parler d'un séisme politique après Jean-Vincent Placé, après François de Rugy, après Barbara Pompili, après Emmanuel Cosse. C'est Denis Baupin qui quitte Europe Écologie Les Verts. Il s'agit du vice-président de l'Assemblée nationale. Oui, en tout cas, ça donne envie de voter Europe Écologie Les Verts la prochaine élection, parce qu'il y a un vrai suspense de savoir où sera parti votre candidat en fin de législature. Passons à l'expulsion d'Alain Finkielkraut de La Nuit Debout. Oui, et Finky a prononcé cette répartie déjà culte, gna gna gna gna, pauvre conne, pauvre conne. Selon un sondage, cette réaction d'Alain Finkielkraut est jugée par 9 Français sur 10. Voilà, plus intelligible et pertinente que la pensée intellectuelle qu'il développe habituellement sur les plateaux de télévision. En revanche, l'Académie française a annoncé qu'elle allait se réunir en assemblée extraordinaire. Mais oui, effectivement, ils veulent envisager l'entrée de gna gna gna gna gna au dictionnaire. Santé à présent, sécurité sanitaire suite au risque de grippe aviaire. 18 départements du Sud-Ouest rendent le confinement des volailles obligatoire. Voilà, le concours Miss Sud-Ouest est donc menacé. En revanche, les poulets sortent tous les soirs à Paris autour de la place de la République. Effectivement. Médias à présent. Patrick Buisson est reconduit par le groupe TF1 à la tête de la chaîne Histoire. Ah, et c'est une belle chaîne, et moi je trouve que c'est important pour les jeunes. Ouais, oui. Comme ça, ils pourront bien révisionner l'histoire. Exactement. Venons-en à une étude. Qui révèle quels sont les pires métiers du monde. Véridique étude, c'est en fonction de l'environnement de travail, du niveau de revenu, des perspectives d'évolution et du stress. Et le pire métier du monde, c'est journaliste pour la 3e année consécutive. Et en 3e position, c'est animateur radio. Ah, qu'est-ce que je vais faire, moi qui fais les deux, je vais faire bûcheron. Ah non, c'est le 2e pire métier du monde, c'est bûcheron. Et le 4e, c'est DJ, Mélanie Bauer, sachez-le. Ah, je savais que je cumulais. Bah, ouais. Vous cumulez grave, vous. D'ailleurs, ils boivent pour oublier les DJ, c'est pas connu. Selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 4% de la population mondiale a consommé de la drogue au moins une fois en 2014. Le pourcentage augmente si on se limite à la seule Jamaïque, bien entendu. Terrorisme, ses revenus ayant chuté d'environ 30% depuis l'an dernier, Daesh augmente les impôts. Et oui, quand Daesh promet le paradis à ses combattants, on est sûr que c'est pas le paradis fiscal. Notons que le syndicat des kamikazes a proposé de payer le 2e tiers des impôts, mais après les attentats, c'est encore en négociation. Sinon, ils peuvent les planquer aux îles Vierges. Donc les brefs... C'est amusant. Faites-les dans la journée, les blagues, comme ça je les ajoute. Haute-Garonne. C'est ma part de spontanéité, voilà. C'est la part d'inconnu. Attention, ne plantez pas les brefs. Haute-Garonne, oui. À 17 ans, il est contrôlé à 177 km/h sur l'autoroute. En skate. On lui a retiré le permis de conduire. Bah non, il n'en avait pas, donc on a pas retiré. Bon, évidemment. Et on termine par une bonne nouvelle pour tous les pastafaristes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le pastafarisme, on en a déjà parlé ici. C'est l'église dont le monstre de spaghetti volant est Dieu et qui voudrait avoir les mêmes droits que toutes les autres religions. Et nous avons donc, parce que moi je me sens pastafariste, célébré notre premier mariage en Nouvelle-Zélande. L'article ne dit pas si à la sortie de l'église on a lancé du riz, du coup, vu que voilà. En tout cas, j'imagine qu'ils ont mangé un grand bolo pour fêter ça. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h sur France Inter avec Philippe Catherine qui nous accompagne et on va commencer à changer le monde avec vous, avec le premier sujet. Attention, concentrez-vous. La société française penche de plus en plus à droite. Les Français flippent devant l'immigration, ils réclament plus de sécurité et ils achètent de plus en plus valeurs actuelles. Pas que pour aller aux chiottes. Pourquoi la société française penche de plus en plus à droite? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. J'adorerais être de gauche, c'est un souhait, mais je trouve que c'est tellement élevé comme vertu que j'y ai renoncé. Ça me semble très très Pourquoi très... Parce que d'abord c'est un gros boulot, c'est un dépassement de soi, c'est une attitude, une présence à l'autre. Faut être exceptionnel quand t'es de gauche. Quand t'es pas de gauche, tu peux être moyen. Quand t'es de gauche, c'est l'excellence, le génie moral, le génie de l'entraide, c'est trop de boulot. Fabrice Lucchini au JT du soir. Philippe Catherine, vous êtes d'accord avec lui? Être de gauche, c'est une exigence morale, c'est la présence à l'autre, l'ouverture, comme ça c'est difficile d'être de gauche. Ah ben c'est un boulot incroyable, c'est vrai. Non, ouais. Il a raison, hein. C'est vrai, je m'en rends compte tous les jours. Ah oui? Au quotidien? Ben, j'aimerais bien aussi être de gauche. Ouais. Donc c'est un effort que vous essayez de faire, de temps en temps? Non, mais un effort... Disons qu'il ne faudrait pas que ce soit un effort, c'est ça le problème. Ça s'entretient, on va dire. Voilà. Dès que ça devient un effort, on devient de droite. Ça arrive vite. Ça arrive très vite. Donc, ce matin, dans Libération, il y a un chercheur du CNRS et l'éditorialiste Alain Duhamel qui oppose deux points de vue sur la droitisation de la société. Il y a le chercheur du CNRS qui explique que, bon, il y a des phénomènes qui ont sidéré les Français récemment et qu'il ne faudrait pas regarder les études à court terme comme ça qui prouvent que la société se droitise, mais qu'il y a encore des valeurs profondes de gauche, etc. Et il y a Alain Duhamel qui dit, bah non, c'est quand même clair que la société se droitise, valeurs actuelles vendent de plus en plus de journaux, il y a la montée du FN, etc. C'est quand même flagrant. Vous qui avez un petit peu circulé en France et puis dans votre expérience aussi, est-ce que vous sentez que la société française penche à droite? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir à... au niveau individuel? Entre la Vendée et la Bretagne, par exemple. Bon, c'est vrai que j'ai eu la joie d'être élevé en Vendée. Oui, oui, oui. Ouais. Qui est une terre, on peut dire, quand même... À Chantonnay, d'ailleurs. À Chantonnay, dans le bocage. Il est 17h27 à Chantonnay, je vous le dis, comme ça vous sentez plus... Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Ça reste à vérifier. C'est quand même un autre pays, hein, la Vendée. Et bon, on était quand même sur des terres extrêmement villiéristes. Hein. Ouais. J'ai grandi là-dedans, donc c'est vrai que j'ai l'habitude, moi, franchement, bon, ben, de côtoyer aisément l'homme ou la femme de droite. Ouais. Je jouais au basket avec des gens de droite. Quand je reviens, je joue au ping-pong avec des gens de droite. Ça n'empêche pas de rester dans la même pièce. Ils jouent bien au ping-pong, les gens de droite? ça, c'est... Non, alors, ça dépend. Si c'est en tournante, c'est plus difficile. En duo, laisse tomber. Mais donc, quand on grandit en Vendée, dans ce milieu de droite plutôt catholique, hein, villiériste, effectivement, ouais. Est-ce qu'après, quand on est dans certains quartiers de Paris, ou que vous sillonnez, je sais pas, vous partez dans un village, comme vous avez fait pour écrire votre album, et vous discutez avec les gens dans un café, vous avez le curseur qui est un peu différent et plein de choses vous paraissent de gauche. Le fait d'être élevé coup... à droite. Ouais. Ah ouais. Alors ben, c'est vrai que je suis arrivé en ville, moi j'avais 18 ans, je connaissais pas trop la ville avant, j'étais stupéfait. les gens sont de gauche. Et puis alors, j'étais stupéfait arrivé à Paris que les gens, par exemple, ils se tenaient à la porte, ils étaient vraiment. Ils aidaient à traverser la vieille dame, les gens de gauche. Mais ils savaient vivre ensemble, en tout cas. Je sais pas si c'est droite ou de gauche, mais en tout cas, en milieu urbain, pour moi, ça m'a fait un choc à l'époque. Les gens qui sont pas en milieu urbain n'ont pas envie de vivre ensemble. Mais c'est pas ça, mais ils sont moins rapprochés, alors ils savent moins. Vrai. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que dans les restaurants de Vendée, on mange pas sur les genoux de son voisin comme à Paris. Oui, c'est normal. Bon, je pense est-ce qu'on a bien fait le tour du sujet? J'ai encore des questions pour Catherine. Vous avez visité le Puy du Fou alors? Il y avait des visites obligatoires. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais si, à l'école, mais bien sûr. Racontez, c'est génial. Ça nous fascine, nous. Une fois par an, on était obligé d'aller au Puy du Fou. Ah, c'est obligé. Ouais. Ah, c'est pour remplir, c'est pour faire du chiffre. Faut remplir, quoi. C'était aussi pour, parce que c'était quand même une propagande. Ouais, évidemment. Oui. Bien sûr. Et puis, à laquelle on devait se soumettre. Et puis, c'était super parce qu'une fois j'ai vu Jacques Balutin. Ah ouais. Ça c'était la meilleure attraction. C'est ce que j'ai préféré. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus, rendons l'antenne? Oui, c'est vrai, on va s'arrêter là. En tout cas, donc, en ce moment il y a une nouvelle attraction au Puy du Fou, c'est l'anneau de Jeanne d'Arc. C'est une grosse attraction, ça fout les boules et tout. Qu'est-ce que c'est? Parce que Philippe de Villiers a racheté l'anneau de Jeanne d'Arc. Le peut-être anneau de Jeanne d'Arc. Oui, le sans doute présupposé anneau de Jeanne d'Arc. Et qui est exposé au Puy du Fou, donc on peut voir l'anneau. Mais l'anneau, oui, c'est ça. Ouais. Et la prochaine fois, il achète le stérilet, tout ça. Enfin, il va être exposé sur Jeanne d'Arc. Voilà. Bon, je vous le dis, hein, si jamais vous passez par là. Non, on a fait la pub du Puy du Fou, du coup, sans faire exprès. Mélanie Bauer, si on en revenait un petit peu à la musique de Philippe Catherine. Oui, c'est vrai, tiens. Philippe. Philippe. Mélanie. Philippe. Mélanie. Ah, j'aime bien quand tu fais ça. Catherine. Ah ouais, d'accord. c'est quoi cette histoire là? On est cul et chemise. Catherine. Donc il y a du conflit d'intérêts, vous connaissez comment ça se passe? Parce que nous ici, on tout éclaire la transparence. Ça n'est pas grave, ouvert. On en parlera à la fin de la chronique. Ah non, l'auditeur veut savoir maintenant. Non, on se connaît depuis quelques années. On est cul et chemise, j'ai dit. D'accord. Voilà. Bon. Catherine. Qui est ça, c'est ça le problème. Allez-y. Vous êtes Boris Vian, vous êtes aussi la vache qui rit, la femme du président de Groland, la reine d'Angleterre, le vilain petit canard dans la tour Montparnasse Infernale 2. J'ai pas trop compris qui vous étiez, faut dire que je l'ai pas vu. En tout cas, Catherine, vous êtes compliquée. Tout rapport humain est compliqué. Même avec moi-même, j'ai des problèmes. Alors comment voulez-vous qu'on n'ait pas de problème si avec nous-mêmes on a déjà des problèmes? Ces problèmes ne sont jamais. Alors donc, pour mieux vous comprendre, allons sur Wikipédia. Philippe Catherine et Philippe Blanchard, le 8 décembre 1968 à Thouars, dans les Deux-Sèvres, est auteur, compositeur, interprète, acteur, réalisateur et écrivain français. Ils ont oublié danseur, n'est-ce pas? Je fus. Ah oui. Je serai. Au début de sa carrière, son style fut, c'est toujours Wikipédia, fut assimilé au mouvement Easy Listening en proposant une musique aux accents de bossa nova accompagnée de textes souvent morbides et angoissés et teintés d'humour. Toutefois, depuis quelques années, il s'est également tourné vers le rock, flirtant avec la musique électronique sans jamais cesser de s'inscrire dans la chanson française décalée. Autant vous dire qu'on n'y comprend rien, hein, que ça ne veut rien dire. Je suis inscrit nulle part. Et c'est vrai que après c'est Wikipédia, hein, donc ça s'entend aussi. Hein. Les gens s'y perdent. Hein. Quel est votre avis, ou plutôt non? Quelqu'un a compris? Oui, je. Moi. Disons moi. Disons quelqu'un d'autre surtout. Vous parlez pas flamand non plus. Hein. En fait, Catherine, il ne faut pas l'intellectualiser. Je conseille le film « Je suis un no man's land » pour mieux le cerner. Catherine, il faut le ressentir comme un suppositoire contre le mal de gorge. Il faut prendre une grande inspiration et hop, tout un tas de sensations s'offrent à nous. Du chaud, du froid, de l'irritant, du réconfortant, du rigolo, de l'intime. Ça fait pleurer les yeux. Mais surtout, surtout, et c'est là la magie, cette grosse tête ovale qui file vers la lune est très efficace contre le mal de gorge. C'est l'effet moustache. Il l'a coupé malheureusement. Il y a des droits d'auteur là-dessus. C'est un gros boulot, l'écriture. C'est plus fort que le gna gna gna de Finkel Crowd, hein, ça, bien sûr. Sous ses airs nonchalants, Catherine est un bosseur, un père de famille qui sort tous les deux ou trois ans des 10, expose ses dessins, c'était chouette comme un ananas, avec une immense culture de Kanye West et aussi des dessins de gens de droite, hein, si je me souviens bien, oui, beaucoup de gens de droite. Une obsession personnelle. Ouais. Et puis, il écrit des chansons pour les autres, il est aussi comédien, il fait des tas de vidéos, il a l'air un peu seul comme ça dans la vie, dans son monde, mais en fait, il est très entouré, fidèle à ses copains, il en a plein, les Little Rabbits, les Recyclers, son manager, Julien Bert aussi sur le dernier album, ce sont des amis de 25 ans. Et si je respirais sans perdre le tempo, est-ce que cet être humain le ferait en synchro? Ce serait vraiment trop beau. Et oui, respire en synchro les copains. Bref, je pourrais vous dire, je pourrais faire un bouquin, moi, sur ce garçon. Je l'ai connu tout petit, une simple petite goutte d'essence essentielle contre la touffe. Mais je préfère vous l'offrir tout simple, en pyjama, quand il touche du doigt la vérité avec juste un piano et sa poésie. Un moment parfait, Philippe. Il pleut, le ciel est bleu, il y a du vent, mais rien n'y paraît, c'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Je t'aime, c'est fou quand même, la plage est typique, mon romantique, je l'oublierai jamais, c'est un moment parfait. Ni souvenir, ni avenir, un oiseau passe, chante Montparnasse, poule un capolinaire, bien sûr qu'il peut le faire. Tout nu, dans l'eau, sur le dos, je vois un nuage, c'est un mirage, c'est un moment parfait, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Philippe Catherine, Moment parfait, c'est un extrait du dernier album qui s'appelle Le Film. Merci Mélanie Bauer, on peut réécouter votre chronique sur franceinter.fr pour ceux qui auraient raté le début. Ah oui, ce sera le temps quand même. Pour comprendre tout de Philippe Catherine, donc on veut pas tout comprendre en fait. On veut rester dans une forme d'incompréhension. Moment parfait, c'est le dernier titre de l'album que vous avez fait chronologiquement. Donc oui, ça arrive des fois, tu fais des chansons, la première c'est la première qui se retrouve sur le disque, la dernière c'est la dernière. Mais oui, c'est dingue, c'est tout quand même bien fait. Il y en a quand même 16, attention, hein. Il y en a 16. Oui, il y en a 16, et celle-là c'est la dernière, voilà. Absolument. Moment parfait. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie, et bien sûr d'Alex Vizorek, oui, Mélanie Bauer, Thomas Bidguin, et là, là c'est un moment important, c'est le moment Maurice, et vraiment ça c'est quelque chose, on l'attend quoi. Moi je suis très inquiet, Charline, aujourd'hui, ça fait maintenant 3 jours que personne ne s'est déclaré candidat à la primaire à droite. C'est pas normal. Hein. En même temps, à part le toutou de Nicolas Sarkozy, tout le monde s'est présenté. Alors quand je dis le toutou de Nicolas Sarkozy, je ne parle pas de Geoffroy Didier, hein, parce que lui, il s'est présenté, mais bien de son chien qui s'appelle Charline. Toumi, il y en a plusieurs. Je savais que vous étiez balèze pour retenir ce genre de truc. Bon, en attendant, je me suis dit, c'est peut-être un peu facile d'attendre qu'il y ait un nouveau candidat qui se présente. Pourquoi je me présenterai pas, moi? Moi aussi, c'est vrai, j'ai des côtés de droite. D'ailleurs, je gagne ma vie en disant des conneries, hein, ce qui est la principale caractéristique d'un candidat de droite. Donc, j'ai décidé de tenter l'aventure. J'ai appelé les fédérations du parti Les Républicains. Alors, on m'a d'abord dit qu'il fallait que je sois encarté chez eux. Ce qui est faux, hein, puisque Jean-Frédéric Poisson est candidat pour le Parti Chrétien-Démocrate. N'est-ce pas la fédération Les Républicains de la Haute-Savoie? Oui, parce qu'il fait partie quand même d'un parti chrétien qui est de droite. Alors, ouais. Puis moi, en plus, je suis plutôt de gauche. Ah, comment vous allez pouvoir expliquer aux gens que vous êtes de gauche, mais que vous vous présentez une primaire de droite? Mais je pourrais être à gauche de la droite. Je sais pas, enfin, bon. Ouais, ça me paraissait mal engagé, mon histoire. Pourtant, il y a tellement de gens à droite de la gauche que moi, je voulais juste rééquilibrer la balance, parce qu'à force, on va se casser la gueule dans l'extrême droite. Alors, poursuivons avec la Fédération de Les Républicains de Côte d'Or. Quelles sont les conditions pour se présenter à cette primaire? Ah, j'ignore complètement. Faut pas nécessairement avoir été mis en examen, par exemple. Comme il y a Copé, Juppé, je me suis dit que c'est une condition. Non, a priori non. A priori non, mais peut-être que si quand même, alors, ouais. Ouais, donc je préfère que vous appeliez des gens qui sont députés. Oui, pour tout ce qui est mis en examen, c'est sûr qu'autant contacter directement les spécialistes. En attendant, j'avais besoin d'en savoir plus sur les moyens de financement d'une campagne. J'avais des questions là-dessus, et la Fédération Les Républicains de la Vienne m'a un peu refroidi. Vous savez que si vous n'avez pas atteint un certain pourcentage d'électeurs, vous ne serez pas remboursé. Eh oui, c'est ça. Ouais. Peut-être que je peux faire quelques abus de biens sociaux ou des détournements un petit peu... Non, c'est pas très intelligent, parce que les Français veulent de moins en moins de ça. Pas de malversation financière. Ah non, pas du tout. Non, alors là, excusez-moi du mot, mais ça serait vraiment incongru. Ah oui, ah, vous y allez fort. Ah oui, ouais. Oui. Dis donc, incongru carrément, on se lâche hein, chez Républicain, excusez-moi l'expression, mais ça me paraît un petit peu prime sautier. Excusez-moi, pardon, je m'excuse auprès des auditeurs qui sont sans doute mes futurs électeurs, parce que tout ça ne me fera pas abandonner mon rendez-vous avec le peuple, même si, toujours selon cette dame de la Vienne, je ne serai malheureusement pas assez populaire. Hein, c'est dommage, parce qu'elle, elle connaît... Je connais Juppé, je connais Fillon, je connais Moriton... Je connais Bruno Le Maire. Ah ouais. Moriton, c'est qui Moriton? Moriton, c'est celui qui avait défilé pour contre le mariage pour tous. Ah. Donc j'en connais beaucoup, mais après. C'est pas Morito, vous êtes sûr, non? Non, Moriton. M-O-M-A-U-R-I-T-O-N. Alors attendez. M-O-M-A-U-R-I-T-O-N, du coup ça fait Momoriton. Là c'est vrai que j'avoue, je connais pas. Peut-être c'est en deux mots, Momoriton. Momo, j'espère que c'est pas le diminutif de Mohamed, hein, sinon c'est Nadine Momorano qui va pas être contente. Momoriton, donc. Alors, Marmiton, à la limite, je vois, hein, c'est là où il y a des recettes de quiche Lorraine, puisqu'on parlait de Nadine Morano. Sinon, il y a un mec qui s'appelle presque pareil et qui se présente, hein, évidemment, Hervé Mariton. Et ça tombe bien, il a été question de lui avec la Fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône, à qui j'ai demandé si j'avais une chance dans cette primaire. je peux pas dire, moi j'ai ma petite idée, mais si on vous connaît pas, après c'est la démocratie, vous pouvez essayer si vous arrivez à rassembler tout ce qu'il faut. Ouais. Mais c'est assez compliqué. Moi j'ai regardé par exemple Mariton sur Facebook, ouais. Il a 10 000 personnes qui le suivent, moi j'en ai 44 000, je pourrais faire plus de voix que Mariton. Alors présentez-vous. Hein. Ouais, alors le problème c'est que j'ai regardé un peu plus Bob l'éponge sur Facebook, il en a 54 millions de gens qui le suivent. Alors on est quand même peu de choses face à Bob l'éponge, donc je sais pas si c'est un bon critère, mais ceci dit, c'est vrai que ça compte, hein, la notoriété dans une campagne. J'ai appelé la Fédération Les Républicains des Hauts-de-Seine pour me rassurer sur ma notoriété. Vous êtes un homme politique connu ? Ah non, pas du tout, non. Mais vous n'aurez pas le soutien de, vous savez, les... Oui, mais j'ai vu par exemple que Jacques Millard se présentait. Oui, mais lui, il est connu, il est maire de Maison Lafitte. Ah, il est connu, Jacques Millard ? Ben oui. Ah d'accord, Jacques Millard est connu. Bon, en tout cas, Maison Lafitte, hein, ouais, bon, il faudrait que je fasse comme lui, que je me fasse élire dans les Yvelines. Mais bon, je porte très mal le serre-tête. Et puis, j'ai pas envie de coucher avec ma cousine, donc je pratique pas les coutumes locales. Mais bon, c'est pas perdu, hein, c'est pas perdu, parce que Jacques Millard est aussi connu pour autre chose, m'a précisé mon interlocutrice. On en a entendu beaucoup parler, parce qu'il est allé plusieurs fois voir Monsieur Bachar el-Assad. Vous savez, moi je veux bien que vous vous présentiez, c'est pas le problème, mais... Mais si moi je vais voir Bachar el-Assad, par exemple, ça peut me faire de la pub aussi. Mais monsieur, vous pouvez, mais vous n'avez... Enfin... J'ai peu de chance, quoi, selon vous. Ah ben, vous n'avez pas peu de chance, vous n'avez aucune chance. Aucune chance, merde. Exactement le même nombre de chances que Jacques Millard, Geoffroy Didier ou Hervé Mariton. Non, mais c'est pas grave, parce que je vais vous dire, le but de cette candidature chez les Républicains, c'était de me faire exister médiatiquement pendant quelques minutes. Et ça, c'est précisément le but de celles et ceux qui n'ont pas plus de chances de l'emporter à cette primaire que moi. Merci, oh. Guillaume Meurice. Churchill avait dit « je n'ai aucune chance » et je l'ai saisi. Donc, c'est un espoir, quand courage, même. Les gars. Il est 17h42 sur France Inter et 17h42 au Mans, où vous serez samedi. Mais oui. Guillaume Meurice, à la salle des concerts à 20h30. C'est ça. Et c'est aussi samedi. À Chantonnay, parce que nous avons un tweet de Karen Michaud qui dit, vous savez qu'il y a des gens de gauche en Vendée. Donc on l'a. Karen Michaud. Oui, tweeté. Bien sûr. Bien sûr. On a les noms. Ils seront tout de même minoritaires. Il faut quand même. Mais il y en a, bien sûr. Eh bien, on les salue. Philippe Catherine est avec nous. On va aborder le deuxième sujet. Pour bien commencer la semaine, on a passé la journée sur la visite de Finkielkraut à la Nuit Debout. Il a pu assister à une partie des débats, mais c'est au moment où il a quitté le forum Place de la République qu'il a essuyé des invectives. Encore un peu, et il finissait pendu par les roubignoles, dites donc. Qui pourrait me dire qui je suis ? J'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal. Bah, pauvre de nous, hein. Vous êtes pas. J'arrive pas à faire une phrase aujourd'hui. C'est lundi, hein. Je suis un diesel. Philippe Catherine, est-ce que vous avez passé le bout de votre nez Place de la République ces derniers temps? Non. Vous allez voir, non? Non. Bah, vous devriez, vous êtes en pleine promo pour votre album, vous devriez aller Nuit Debout, hein, c'est The Place to Be. Ah, pour obtenir quelques suffrages? Ouais, moi je pense, ouais. Pour la promo d'un album, c'est pour bien. Pour monter un stand avec mes disques? Ouais. Écoutez, non, mais j'ai vu en tout cas les nouveaux signaux pour pouvoir parler sans dire les mots. Oui. Ça, c'est avec très les bien. Mains comme ça. Ouais. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Il y a peut-être un animal à écraser par là. Ne me tentez pas. Mais j'ai suivi cette affaire, Finkielkraut. Oui, oui, vous l'avez suivi. Ouais. Avec ça devait lui faire tout drôle d'être exclu, évidemment. C'est difficile, l'exclusion. Oui, il a ressenti l'exclusion. Exclu d'un continent, d'un pays, d'une région, d'un groupe. Mais il était en train de partir, hein, de toute façon. Hein. Ouais. C'est à la fin. Oui, c'est pas vraiment tout à fait viré. Vrai. Et quand on entend la bande, il y a quelque chose qui est très clair. Moi, je l'ai écouté. J'ai vraiment mené un travail d'enquête. Thomas Bideguin. On entend la bande où les gens lui demandent de partir un peu. Eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de reggae. On n'entend pas de reggae. Ah, et c'est on un fake, comprend alors, ce qui s'est passé. Le reggae s'est arrêté. Ouais. Il n'y a plus eu de reggae. Et forcément, il y a eu une agressivité qui s'est tout de suite à la fin du reggae. Et on l'entend bien sur le truc. On entend qu'il crie. Mais il n'y a pas de reggae. Voilà. Non, mais c'est... Tac, et là, on a il faut mener un travail d'enquête. Enfin, je veux pas c'est vous vrai, mais un travail sociologique mais... pour que le reggae apaise les esprits, mais bien sûr. Cette attitude d'un intellectuel comme Alain Finkielkraut qui dit oh, « je vais aller voir », mais on se doute qu'il y a une forme de provocation. Oh non. Non oh, oh, ça, c'est vraiment... Ah, c'est mauvais esprit de ma part, oui. Peut-être. Là. Peut-être, oui. Oui. Vous avez réfléchi à cette démarche de Alain Finkielkraut, grand intellectuel français, qui s'est dit « sans le filtre des médias, je veux aller voir à quoi ça ressemble ». Il est un peu maso, vous avez une interprétation de ça, vous? Non, mais j'ai vu qu'il ne voulait pas s'exprimer réellement, mm-hmm. Il voulait voir la chose sans le filtre des médias. Exactement. C'est ce que j'ai entendu. Ce qui est une chouette démarche. C'est une chouette démarche. Après, il peut aller sur Periscope aussi, hein. Ouais. Oui, mais enfin, c'est une question d'odeur, de tout ouais. ça c'est les narines. Oui, il en est encore au Minitel, donc Periscope, c'est pas demain. Thomas Bideguin. Oui. Oui, c'est votre grand retour. Oh donc là, on est tout prime sautier aussi. Oui, je suis revenu. J'ai quitté les palaces et je reviens dans cette maison ronde où un sandwich au pâté, ça vous fait la semaine. Et donc, comme d'habitude, je viens vous parler de storytelling et mm-hmm. décortiquer les histoires qu'on nous raconte. Un peu comme on décortique les langoustes pendant que vous buvez les rince-doigts. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous parler des méchants. Ça c'est le thème du jour, les méchants. Alors on connaît la citation de Hitchcock qui disait « Plus réussi sera le méchant, plus réussi sera le film ». Et d'ailleurs, on notera d'abord qu'il n'a pas dit « plus réussie sera la méchante ». Parce que c'est comme ça dans les Hitchcock ou dans les James Bond ou à Bruxelles, c'est pareil. Les méchants, c'est des hommes. Alors que dans la réalité, on sait... Enfin bon, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine chronique qui s'intitulera « Les femmes sont-ils des gens ?» Enfin voilà, mais il faut que j'enquête un peu plus, je vais voir. Alors oui, bon, les méchants font des bons films. Et dans la vraie vie, c'est pareil, c'est ce que je me tue à vous dire. Regardez François Hollande. Bon, voilà, il n'est pas très méchant. Des fois, il essaye d'avoir l'air un peu sévère. Alors, il a les narines un peu gonflées, comme ça. Mais ça ne fait pas très peur. En revanche, il a bien compris comment on raconte des histoires. Et il n'y a qu'à voir. Dès qu'il est en face des terroristes ou des rebelles du Mali, ben, là, c'est des vrais méchants, et ben, il monte dans les sondages. Alors que quand il fait un show à la télé en face de Français qui lui posent des questions, bah, les types, ils sont plutôt vaguement sympas. Et du coup, ça n'intéresse personne. Et ils baissent même dans les sondages. En Russie, ils ont fait un show comme ça avec Poutine, avec des Russes qui posaient des questions. Mmh. Et la question qui revenait le plus souvent, c'était « Est-ce que je vais revoir ma famille un jour ?» Voilà. Là, on a un vrai méchant. Et les gens regardent. Sinon, ils sont déportés. Et... Voilà qui devrait nous aider à combattre la morosité ambiante, parce qu'on vit dans un film épatant. Le film est épatant parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les méchants qui manquent. Avant, ce n'était pas pareil. Avant, par exemple, il n'y avait pas Daesh. Donc, on vivait sur nos acquis, les acquis du 19e siècle, et on comptait sur le capitalisme ou la psychanalyse pour nous faire du mal. Mais maintenant, avec Daesh, on est monté de 5 rangs d'un coup dans l'horreur et on fait brûler des journalistes dans des cages, ce qui est une lecture un peu particulière d'Hitchcock, qui est plus le méchoui est réussi, plus... Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on est con? Et je parle pour moi. Et alors voilà, est-ce que c'est mieux? Eh bien, on ne sait pas. Parce que le mieux, normalement, est l'ennemi du mal. Alors que là, tout ce qu'on sait, nous, puisqu'on vit ici, c'est que le mieux est l'ennemi du PS, visiblement. Voilà, donc on comprend qu'il est important de faire une distinction parmi les méchants. Il y a une distinction à faire entre, d'un côté, les ennemis et, de l'autre, les adversaires. Les ennemis, ils veulent notre mort, alors que les adversaires, ils veulent la même chose que nous, mais ils espèrent juste qu'ils vont l'atteindre avant. Donc, ennemi ou adversaire, c'est la différence, par exemple, qu'il y a entre les anticapitalistes, qui veulent la mort du système, et les altermondialistes, qui pensent qu'on peut un peu arranger les choses. Ou entre les anti-sionistes et les altersémites, qui sont pour un juif plus juste. Et donc, à droite, avec la primaire, c'est difficile aussi de faire la différence entre adversaire et ennemi, puisque tout le monde s'écharpe. Et donc, quand on pense que seulement hier, ils étaient tous unis, contre les PD et les bougnoules. Et donc, des fois, on se trompe. Des fois, on croit qu'on a affaire à un adversaire quand en fait, c'est un ennemi qu'on a en face. Et là, en général, le PSG se fait éliminer des quarts de finale. Ou mon fils perd face à Nadal. Il arrive comme ça, comme un gentleman, et il se retrouve face à une machine à tuer. Ça arrive aussi quand Bruel reprend Barbara. On voit bien qu'il y a un des deux qui veut la mort de l'autre. Mais c'est ça qui fait les belles histoires. Et on le sait bien d'ailleurs chez les Macron, où on aime ça le storytelling. Et donc Emmanuel, qui se sent aimé par tout le monde, eh bien il est sûrement par ailleurs un gentleman, mais il nous dit que la méchante c'est Brigitte, c'est sa femme. C'est elle qui l'oblige à poser, comme Halil Chimique ou Francis Huster en couverture de Paris Match, et de Grazia aussi, parce qu'elle est vraiment, vraiment, enfin bon. On vit donc une période merveilleuse en termes de méchants. Mais c'est ça le problème avec l'ennemi, Macron l'a compris, c'est que non seulement il est à nos portes, mais pour peu qu'on l'y invite, il vient jusque dans nos bras. C'est QFD, c'est tout. L'œil du scénariste sur l'actualité. Avec une morale pour terminer. Tout. Et bam, boum, bim, boum. Le chat retombe sur ses pattes. On dirait du bidon. Merci Thomas Bideguin. Oh, il est 17h51 à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Puisque notre invité, c'est Philippe Catherine. On va aborder un troisième sujet de fond avec vous. Concentrez-vous. Hein. Parce que la Chine vit sa révolution des cabinets. Pas des cabinets ministériels, mais des cagouins. C'est pourtant éminemment politique parce qu'on mesure toujours le niveau de développement d'une société à l'état de ses latrines. Hein. La Chine vit donc une sorte de nuit debout des cabinets. Là où c'est génial, c'est que la fois d'après, l'ordinateur, par reconnaissance anale, sait exactement de qui il s'agit. En gros, il reconnaît ton cul. Précieux, non? Et alors bon, si jamais t'as le pot d'échappement qui joue le Big Bang dans la cuvette, pas de souci. T'appuies sur un bouton. Ils ont samplé le son de la chasse d'eau, ces cons-là. J'ai chopé la licence pour toute l'Europe. Je vais inonder le market. Vas-y. Essaye-les, tu vas kiffer. Marc Lavoine dans Les meilleurs amis du monde. Alors c'est un sujet trouvé dans Aime le monde, donc tout ce qu'il y a de plus sérieux. Cette révolution, c'est que le gouvernement chinois a lancé un plan de construction de plus de 14 000... Moi, je dis WC en Belgique, évidemment. WC. Les WC, voilà. Public en 2015. Et alors, c'est politique et économique parce que ça permet d'attirer le touriste. Parce que le Chinois faisait dans la rue un petit peu partout, paraît-il. Mais ça, c'est pas bien. C'est dans Aime le monde, que je vous dise. On change le monde ici. Alors, si on mesure le niveau de développement d'une société à l'état de ses cabinets, où situer la France, par exemple, à votre avis, Philippe Catherine? Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus de toilettes publiques, hein, comme jadis. Moi, je trouve ça regrettable. C'était déjà un lieu de rencontre. C'est vrai. Ouais, on pouvait placer son pain le matin. Les trompeurs. Les soupeurs. Mais vous ne connaissez pas ça? Mais non. Vous vous renseignerez sur les soupeurs. Monsieur, c'est vivre. C'est pas très classe à 17h52 le soupeur. On m'a appelé parfois Philippe Latrine. Je suis mon meilleur ennemi pour répondre à monsieur. Et non, mais de ce côté-là, moi je regrette beaucoup parce qu'aujourd'hui c'est individuel. C'est des petites choses payantes comme ça qui c'est payant en plus. Hein. Oui, tout à fait. À Paris, non. C'est gratuit. Bah, si, il faut mettre une pièce dedans. Plus maintenant. Ah, d'accord. Moi, je préfère faire ça entre deux voitures. Voilà. Ouais. C'est répréhensible, ça. On peut prendre une amende si on fait ça. Ouais. Ah, oui. En Inde, ça a sauvé les femmes. Hein. Enfin, ils ont pensé que ça sauverait les femmes du viol, notamment. La latrine, c'est bien la preuve que ça montre le niveau d'évolution d'une société. Mais donc, la France, l'état des toilettes françaises, c'est... Parce que vu de Belgique, c'est dégueulasse. Hein, moi, j'y vais jamais, je peux pas vous dire. Ah, d'accord. Vous faites demander mon témoignage. Quand vous faites de la route, vous arrêtez... Dans les stations, vous voulez dire? Ouais, c'est comme ça. Bon, des fois c'est déplorable, c'est vrai, mais on peut pas généraliser, il y a pas de région, on peut pas dire vraiment. En Vendée par exemple. Ah ben là, la toilette vendéenne, c'est comment? Vous avez toutes les qualités. J'ai l'impression que vous n'accrochez pas à la poésie des toilettes. Vous rigolez. Non, je regrette que ce soit devenu individuel. Après, c'est que dans les festivals ou des festivals, vous voyez tout le monde qui vous appelez ça comment? Parce que nous, en Belgique, ça paraît révolutionnaire tout d'un coup, mais bon. Les toilettes individuelles comme ça qu'on met dans les festivals, etc. Nous, on appelle ça des catty-cabines. Alors là, est-ce qu'on a un nom? Non, il n'y a pas de nom. On trouvera jamais mieux que les Belges. C'est mignon, je vais au Cathy Cabine et je reviens. C'est pas mal. Ça fait ce chic. Donc, Aime le Monde nous raconte que, par exemple, dans les WC publics chinois, les WC, il est écrit, il y a un petit panneau qui dit « C'est un petit pas pour vous, mais un saut de géant pour un comportement civilisé. Voilà. » C'est par rapport à l'occidental, hein. C'est ça. Oui. C'est notre regard sur le chinois. Je pense qu'on a bien approfondi le sujet. Mais ils vont garder les baguettes, quand même. Et change les toilettes. Chaque chose en son temps. Enfin, j'espère, oui, je sais pas. On continuera à lire Aime le Monde pour savoir connaître la suite. Alex Vizorek, vous avez une proposition à faire à notre invité. Mais comme tous les jours, on propose un sketch à l'invité. Et il est écrit pour vous. Attention, et c'est pas n'importe quel rôle, c'est le rôle de Christine Boutin pour vous. Parce qu'elle a dit que comme Alain Finkielkraut s'était fait jeter de nuit debout, elle n'irait pas non plus parce qu'elle hésitait. Et on s'est dit que ce serait quand même bien qu'elle s'y rende. Et Alain Finkielkraut, Guillaume va lui donner des petits conseils. Mais c'est cri-cri, ça fait longtemps. Mon petit Finky, la dernière fois, c'était au bal Musette de Valeurs Actuelles. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais là ? Finky, j'ai besoin de tes conseils pour la nuit debout. Moi aussi, j'aimerais faire le buzz. Qu'est-ce que tu dis ? Rien, je suis très calme. Écoute, si je t'ennuie, je peux m'adresser à monsieur Varoufakis. C'est ça, pauvre conne ! Marie-Joseph, ai-je bien entendu ? C'est des coups de latte qu'il te faut ! Quoi ? Au secours ! Je vais m'évanouir ! Bonsoir, service accueil et sérénité, il y a un problème ? Non, il n'y a aucun problème, madame et moi échangeons au sein de la commission provocation. Mais non, ne venimez pas la situation, s'il vous plaît ! Oui, monsieur Sérénité a raison. Respire bien fort, mon Finky. C'est plus fort que toi, hein. Il faut toujours que tu fasses ton intello. Bon, tu veux vraiment assister à la nuit debout ? Oui, je sens que je vais adorer. J'avais déjà trop kiffé la manif pour tous. Alors là, tu vas vraiment prendre ton pied. Arrête, grand fou, tu m'excites. J'ai dit, on se calme, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que je transpire de la moustache. Ici, tout le monde est bienvenu, y compris les femmes à barbe. Merci, monsieur. Dis, Finky, tu pourrais peut-être me présenter à tous ces jeunes gens ? Pour rien te cacher, ça va être compliqué. Salaud, rentrez chez vous, ici on est des jeunes cool. Ils nous chassent. Eh oui, ils nous chassent comme des parias, c'est un scandale. Non, c'est super, on est chassés comme Jésus de Nazareth. Je ne suis pas Jésus. Ah si, Alain, vous êtes une sorte de Christ. Oui, crucifions-le. Mais taisez-vous, pauvre conne. Aïe, aïe, elle m'a giflé. Tendez l'autre joue, Alain. Taisez-vous. Je vais à la télé dire que je suis une victime. Salaud. Ah, c'est vraiment bien ici. J'adore la nuit pour tous. Christine Boutin tout en sobriété. Philippe Catherine, vous avez kiffé faire Christine Boutin ? Oui, c'est vrai. Je ne le nie pas. On l'a senti. Vous m'avez fait penser. J'ai une Christine Boutin en moi, c'est clair. Vous m'avez fait penser à Jacques Balutin dans votre façon d'interpréter. Ça me va droit au cœur. La boucle est bouclée. Philippe Catherine, merci beaucoup d'être venu nous voir. Votre nouvel album s'appelle Le Film. Et vous êtes en tournée jusqu'au 23 juillet. Il y a pas mal de dates au mois de mai à Paris, à partir du 11 mai, au Flow. C'est une péniche face au musée d'Orsay qui va ouvrir. Donc ce sera l'inauguration avec vous. Absolument. Le Flow. Et puis vous serez le 21 mai à Bruxelles. Vous serez le 27 juin à Lyon. Le 16 juillet au Francophonie de La Rochelle où vous pourrez tester les Cathy Cabines. J'ai hâte. Et le 23 juillet, vous serez à Perpignan. Le 3 juin au festival EuropaVox. C'est à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Merci à vous. Si on donnait le mot de la fin à Finky. Oui, allez, à Finky. Nanana, je vais le dire à ma maman.